Bien. Ouais, mais j'ai le métronome à 70, moi là. J'ai mis sur BPI 12 et métronome 70. Ouais, j'ai mis. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a 12, 12 et 70 en battement. Moi aussi. Moi aussi. BPI 12 et BPM 70. Et là, je vais démarrer là. Ouais, c'est ça. Oui, vas-y. Et pour l'instant, on est ensemble. Hein. Pour moi, c'est bon chez moi. Quand tu joues, tu es bien sur le clic. Et quand je joue, je suis sur le clic aussi, hein, sur le mien. Décalé, je comprends, il y a un truc que je comprends. Tu m'entends pas là quand je parle. On est décalé dans le temps là. Enfin pas dans, je sais pas, je comprends pas. On est décalé. Tu m'entends tardivement, tu m'entends 20 secondes après, je crois. Un truc comme ça. C'est chelou comme truc. Ouais, c'est étonnant. Comment? Ah ouais. Est-ce que... Ouais. Oh ben oui. Est-ce que... Quand on joue, ça fait pareil. Ce qui est étonnant, c'est que moi, je t'entends correctement et j'arrive à jouer correctement. Tout est bon pour moi, hein. Le basse guitare, quand je joue. C'est correct, hein, je suis bien avec le métronome, hein, y a aucun problème. Et toi aussi, tu es bien avec le métronome. Alors pourquoi tu as un décalage? Toi, je ne sais pas. Alors quand on discute, on a le décalage.